بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم سنخوض الحديث إلى 24 إن شاء الله تعالى. Aujourd'hui, ça va être le 24e hadith qui lui concerne le sujet de la richesse d'Allah face à ses serviteurs, qu'il n'a pas besoin de lui et que ce sont eux qui sont en total besoin de ses dons, de sa grandeur, de son risque, de sa miséricorde et de tout ce dont le serviteur a recours dans sa vie de tous les jours. Dans ce bas monde et pour l'au-delà. Que Allah ou al-Ghani ou al-Hamid. Que Allah a la richesse absolue. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن برهام الدارمي حدثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيع بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل فيقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضالون إلى من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائعون إلى من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلى من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا لأتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فاسألوني فأعطيته كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخياط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الى نفسه. نعم. Donc dans le sens, la traduction de ce hadith, qui serait que selon Abi Dhar, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire c'est un hadith Qudsi, qu'il dit ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et l'ai déclaré interdite entre vous. Ainsi, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que je vais. Demandez-moi de vous vêtir, je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous commettez des fautes de nuit et de jour, et je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc pardon, je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, vous ne pourrez atteindre ce qui m'est utile, donc vous ne serez pas utile, tout comme vous ne pourrez atteindre ce qui me nuit, donc vous pourrez me nuire. Ô mes serviteurs, si vos premières et vos dernières générations, si les hommes et les djinns avaient tous le cœur le plus pieux de l'un d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si vos premières et dernières générations, si les hommes et les djinns se rassemblaient, ou plutôt afan, si les hommes et les djinns avaient tous le cœur le plus pervers de l'un d'entre vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes adorateurs, ô mes serviteurs, si vos premières et dernières générations, si les hommes et les djinns se rassemblaient en une seule place, qu'ils me faisaient tous une requête et que je donnais à chacun d'entre eux ce qu'il m'a demandé, cela ne diminuerait en rien ce qu'il y a auprès de moi, que comme l'aiguille diminuerait de la mer si elle y était rentrée. Ô mes serviteurs, ce ne sont que vos actes que je les enregistre pour vous et je vous rétribuerai en conséquence. Celui donc qui trouvera le bienfait doit louer Allah. Et celui qui trouvera autre chose ne doit se reprocher qu'à lui-même. Ne doit se blâmer que lui-même. Le Shir précise que ce hadith n'a été rapporté que par Muslim, selon Abu Dhar, et qu'il est venu par d'autres voies, par d'autres sahaba. Cependant, il n'y a que cette voie-ci qui est authentique. Non. Et il dit que Idris al-Khawlani, rahmatullah alayh, lorsqu'il entendait ce hadith, tombait sur ses genoux, à force d'entendre le mot ô mes serviteurs, ô mes serviteurs. D'abord, ce hadith, c'est un hadith qudsi, comme nous l'avons dit. C'est-à-dire, c'est une parole qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens et dans les termes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce. D'accord? C'est-à-dire que le sens est voulu par Allah et les mots employés sont voulus par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais que le hadith est qudsi n'est pas comme le Coran. On ne le lit pas en guise d'adoration. Il n'y a pas de hasanet dans sa récitation. Hein? On ne le récite pas pendant la salat. Et il n'y a pas de hasanat particulière pour chaque lettre prononcée. Il y a un khilaf, certains disent que le hadith qudsi, le sens émane d'Allah, mais que les termes employés proviennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et de là, les savants disent non, car cela amènerait à quoi? À ouvrir une porte aux Asha'ira et aux Maturidiyah, qui eux disent, ils interprètent l'attribut de la parole à Allah en disant justement qu'il s'agit là d'une inspiration. Il a dit le sens est inspiré par Allah, mais que les mots employés, les lettres et tout, proviennent de la créature, et non pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah ne parle pas hein, de vive voix et en toute réalité. Donc de là, également, pour ne pas leur donner d'issue à leur ambiguïté et leur fausseté, les savants disent également, parmi les causes qui disent cela, que ce hadith, le Qudsi, le sens émane d'Allah, ainsi que les termes et les mots et les lettres. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc il dit قولهُ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. Que certes, je me suis rendu interdit d'injustice et je l'ai rendu interdit entre vous. Alors ne vous lésez pas les uns les autres. أولاً الظلم, le ظلم, souvent traduit par l'injustice en français. ومعناه في العربية هو وضع شيء في غير موضعه. C'est le fait de mettre une chose hors contexte, de ne pas mettre une chose à sa place. Hein? C'est le fait de ne pas mettre une chose à sa place. Yakulushir, Havizallahu Ta'ala. Wa zulmu yankasimu la thalathati aqsam. Zulmun fima bayna al-abd wa rabbi. Kashirk billah. Wa ri'a. Wa sum'a. Wa zulm fima bayna al-abd wal-ibad al-akharin. Wa zulmu al-abd li nafsihi. Wa kullu fil haqiqa wa zulmu al-abd li nafsihi. والظلم ظلمات يوم القيامة كما في مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Donc il dit que le zulm, l'injustice, se divise en deux catégories. En trois plutôt. Certains disent deux, lui il dit trois. La première, c'est l'injustice que pourrait commettre le serviteur par rapport à son Seigneur. Non pas qu'il est injuste envers lui, car personne ne peut être injuste envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais par rapport au droit ou ce que Allah subhanahu wa ta'ala a imposé à son serviteur, qu'ils ne le remettent pas à leur place. Ils ne remettent pas ce droit à leur place. Mais cela ne nuit en rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne dit pas, Zalamta Allah, que tu as été injuste envers Allah. Cela ne se dit pas. Donc ça c'est la première catégorie qui est l'injustice qu'il y a entre Allah, ou plutôt entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala, dans les droits qui lui reviennent. Ensuite, comme par exemple, le shirk, ou le riya, l'ostentation. Au soma, le fait que tu veuilles qu'on entende parler de toi. La différence entre riya et soma, le riya, c'est que tu veuilles que l'on te voie, et soma, c'est que tu veuilles que l'on t'entende. Donc le deuxième, c'est le zulm fima bayna al-abd wal ibad al-akharin. C'est l'injustice qu'il y a entre les serviteurs, les uns envers les autres. Que tu sois injuste envers les autres serviteurs. Que tu leur fasses du mal, que tu les lèses. Et le troisième, c'est l'injustice que le serviteur commet envers lui-même, envers sa propre personne. Et en réalité, comme dit le Shir, les trois catégories reviennent toutes à une seule, qui est que le serviteur ne se nuit qu'à lui-même. En réalité, tout ce qu'il fait comme zulm, le serviteur, cela se retourne contre lui. Et que l'injustice, le zulm, seront des ténèbres le jour de la résurrection. Comme dans le hadith de Jabir, rapporté par Muslim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Craignez l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres le jour de la résurrection. » Naam. وربنا سبحانه يقول وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Allah dans le sens dit que les injustes n'auront pas de protecteur ni d'intercédeur à qui on obéit. c'est-à-dire le jour où les comptes seront rendus, personne ne sera là pour pouvoir défendre cet injuste. Et il dit qu'il connaît la trahison du regard et ce que renferme les poitrines. Là, en faisant allusion à quoi? Au shirk. Azun al-Akbar, al-Lazi wa shirku billah. Quand Allah Ta'ala, la tu shirk billah, inna shirk la zulmun azim. Et donc, le plus grand zulm, la plus grande injustice qui existe, c'est le shirk. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, et n'associe rien à Allah, car l'association est une immense injustice. Car c'est le fait que nous l'avons dit, de mettre une chose hors contexte. Donc le shirk, c'est le fait de mettre l'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est lui qui la mérite, pleinement et entièrement, et seulement. Donc il dit, ceux qui ont cru et qui n'ont pas souillé leur foi par l'injustice, ceux-là seront sécurisés et ceux-là seront les bien guidés. فَأَظْلَمُ الظُّلْمِ وَأَكْبَرُ الظُّلْمِ وَأَشَدُ الظُّلْمِ وَالشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَفْضَلُ الْعَدْلِ وَتَوْحِيدُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc il dit, la pire des injustices, la plus grande, la plus considérable, la plus dangereuse, c'est le shirk. Et que la meilleure justice, hein, c'est le tawhid. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَظْلُومَ يَقْتَصُ مِنَ الظَّالِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقْتَصُ وَتَقْتَصُ الشَّاةُ الْجَلْحَ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَ. كما في حديث أبي هريرة لا تؤدون حقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجرح من الشاة القرنى يوم القيامة. Et il dit qu'il ne fait pas de doute que celui qui aurait été lésé reprendra son droit le jour de la résurrection, le jour des comptes. Même la bête démunie de cornes, hein, prendra ses comptes de la bête qui avait des cornes et qui l'aura frappé avec, par exemple. Comme dans le hadith d'Abu Hurayra, comme cela est venu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous rendrez certes les droits à ces gens, à tel point que l'on viendra avec la bête démunie de cornes pour rendre ses comptes face à celle qui a des cornes qui l'aura frappé. Et ce, le jour de la résurrection. Waqala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Satulkaouna rabbakum, fayas'alukum. Donc il dit également que ça c'était le jour de Hajjat al-Wada, le jour du Hajj d'adieu, lorsqu'il dit à la fin, certes, votre sang et vos biens et vos honneurs sont entre vous interdits, sacrés, tout comme ce jour, en ce mois-ci, en cette terre-ci. Et vous rencontrerez votre Seigneur et vous interrogera. Pour dire que l'injustice touche à toutes ces choses-là, qui sont le sang, les biens et l'honneur du musulman. فَالظُّلْمُ بِأَقْسَامِ ثَلَاثَةِ مُحَرَّمٌ وَأَكْبَرُهُ وَأَعْظَمُهُ وَالشِّرْكُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْمُوَفَّقُ وَالَّذِي لَا يُحِبُّ أَنْ يُظْلَمَ وَلَا يَظْلِمُ. وَقَدْ ثَبَتَ حَدِيثٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَ أَوْ أُذَلَّ ou azlim ou zlam ou ajhal ou jahal alayya. Donc il dit que le zulm dans ces trois catégories, hein, est interdit, est illicite, et que le plus grand, le plus grave d'entre eux, c'est le shirk, et que celui à qui le succès a été accordé, c'est celui qui n'aime pas subir d'injustice ou en faire subir aux autres, comme cela fut apporté dans le hadith apporté au selon Salama radhiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, je recherche refuge auprès de toi, que je m'égare ou que j'égare autrui, que je faute ou que je fasse fauter, ou qu'on me fasse fauter, ou que je subisse une injustice, ou que je sois injuste envers quelqu'un d'autre, ou je lèse autrui, ou que j'ignore une chose, ou que l'on me fasse ignorer une chose. Naam. Tayyib. Donc de là, on comprend que celui qui commet une injustice aura des comptes à rendre. Yom al-Qiyamah. Et de là, le shirk poursuit en disant « وَقَدْ يُمْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ. كما في صحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي لظالم فإذا أخذه لم يفلته. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala accorde un délai à l'injuste. Hein, il le laisse, il lui accorde un délai. Et lorsque il le prend, il le saisit, alors il n'y a pour lui aucune échappatoire. Comme cela fut dans le hadith, dans les deux authentiques, selon Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah accorde un délai à l'injuste, et s'il le prend, alors il ne peut s'échapper. » وقرر الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Et ensuite il reste le verset dans le sens où il dit et telle est la prise de ton Seigneur lorsqu'il prend une contrée alors qu'elle est injuste et certes son emprise est dure et sévère. Donc de là il faut comprendre une chose, que lorsqu'une personne, par exemple tu vois qu'une personne que tu as toujours vu comme étant sur le khayr, en apparence sur le bien, et d'un seul coup tu apprends d'elle qu'elle s'est fait, qu'il lui est arrivé, par exemple, elle s'est fait attraper pour une injustice ou un mal, sache que en fait, ce n'est pas sûrement la première fois qu'elle commet cette action-là. Donc généralement, cette personne-là, c'est une personne qui persiste, et lorsqu'elle s'est fait attraper, ce n'est pas la première fois qu'elle commet cet acte-là. Je parle d'une personne qui se fait dévoiler, non pas une personne qui vient se repentir et qui reconnaît son erreur. Une personne qui se fait dévoiler d'un mal, d'une injustice envers autrui, hein, la plupart du temps, c'est que c'est une chose qu'elle faisait depuis un moment, qu'elle a fait plusieurs fois, et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dévoilé aux yeux de tous. Naam. Ensuite, le shir cita le hadith de Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il l'envoya au Yémen. Lorsqu'il lui dit, après avoir l'avoir lui avoir recommandé, donner les instructions face aux gens du livre qu'il rencontrera, qu'ils appellent au Tawhid, qu'ils appellent ensuite à accomplir les salawat, qu'ils appellent par la suite à donner la zakah, et ainsi de suite. À la fin, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit وَاتَّقِ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Et il lui dit quoi? Crains la vocation du lésé, de l'opprimé, de celui qui subit une injustice. Car il n'y a certes, entre cette invocation à Allah, il n'y a pas de voile. C'est-à-dire, il n'y a rien qui puisse faire obstruction à ce que Allah réponde à celui qui a subi une injustice. Donc faire très attention à celui à faire subir des injustices aux gens, car si ces personnes-là lèvent leurs mains et demandent à Allah subhanahu wa ta'ala leurs droits et invoquent contre l'injuste, cette invocation est exaucée. Quand bien même cela viendrait d'un kafir, même envers un kafir, l'injustice est interdite. Pourquoi? Car déjà d'une part dans le hadith, chose que j'ai omis de citer au début, lorsqu'il dit ya ibadi, c'est omis serviteur. Al-ibad, hein, huma la qismain. Les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de deux catégories. Tu as la catégorie qui est générale, dans laquelle tous rentrent dedans. Les kuffar, les muslimoun. Al-jin wal-ins. Tous. Kafikuli ta'ala. In kullu man fi samawati wal-ard illa ata ar-Rahman abada. Que tout ce qui est dans le ciel dans la terre viendra auprès du Rahman, sans exception. Donc cela inclut que même les kuffars sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce que l'on voit comme création, cela est le royaume d'Allah. Et tout ce qui est à l'intérieur fait partie de son royaume. Donc nous sommes ses serviteurs. Et la deuxième catégorie, c'est al-khassa, celle qui est spécifique. Ce sont les serviteurs qui l'ont choisi. Là, ce sont les croyants, les muslimoun. Ceux qui ont choisi, ont accepté de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, de par leur corps et leur âme et leurs actions. Et leur cœur, et leur langue, et tous les membres de leur corps. Ceux-là sont les serviteurs, khas. Kafikuli ta'ala, inna ibadi, laysa alika sultanun. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au shaitan que mes serviteurs, tu n'auras certes aucune autorité sur eux. Là, il fait allusion à qui? Aux croyants. Et non pas aux kuffars, car on sait que les kuffars obéissent à shaitan à 100%. Donc les ibad sont. Pourquoi également, lorsque tu vois ton corps, par exemple, un kafir, ses cheveux, ils poussent. Ses ongles poussent. Lorsqu'il a chaud, il transpire. Il tombe malade. Il lui arrive des choses qu'il ne peut contrôler sur son corps. Et tout cela obéit à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ne peut maîtriser ces choses-là. Le sang coule dans ses veines. Est-ce que lui le contrôle? Il ne contrôle pas. Lorsqu'il respire, hein? Lorsqu'il respire, est-ce que sa respiration, il la contrôle? Cela se fait tout seul. Tout cela par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est-à-dire son corps, lui, est soumis à Allah. Quoi qu'il fasse, son corps est soumis à Allah. Tu pourras te couper les cheveux 10 000 fois, ils repousseront, si Allah le décide. Et tu ne pourras rien y faire. Donc là, on voit que la création est sous l'ordre d'Allah. Même ton corps. Cependant, ensuite, ta volonté, ton âme, ainsi de suite, là, c'est un choix. Et là, tu rentres dans la deuxième catégorie qui sont les serviteurs, el-khass, c'est-à-dire les musulmans, les croyants. Non. Et cela, batoufiqillah azawajal. Ça, c'est une chose que Allah accorde à ses serviteurs. Comme cela viendra dans le hadith par la suite. Donc, on poursuit en disant. يقول فليحذر الإنسان على نفسه أن يظلم فليدعو الله أنه لا يظلم فقد لا يصبر أن يظلم إن ظلم عفوا إن ظلم فيا أخي لو طيب donc il dit que la personne prenne garde hein, envers lui-même de ne pas être injuste et qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas subir également d'injustice, de ne pas être lésé. Car il se peut que tu ne patientes pas sur l'injustice que tu pourrais subir. Que cela te cause des dommages. Ensuite, il dit, Yahi, لو تظلم في تحريب بيتك أو في قتل أحد أبنائك أو غير ذلك نسأل الله العافية أهون عليك أن تظلم في عقيدتك ومنهجك وأن يأتي بعض الرشاشين يظلمك في العقيدة والمنهج فيضيعك فتصير مظلوما. وتصير ضالا طيلة عمرك من ظلم هذا الغشاش والله لأن تظلم في الدنيا حتى تصير فقيرا نفيرا أهون عليك أن تظلم في منهجك فتضيع دعوة وتضيع علما وتضيع سنة فالظلمة قد كثروا وأكثرهم الذين يظلمون الناس في عقيدتهم ومنهجهم ويضيعونهم Donc il dit, oh mon frère, que tu subisses une injustice dans le fait qu'on te détruise ta maison ou que l'on tue l'un de tes enfants, hein, et nous demandons à Allah qu'il nous préserve et qu'il nous prémunise, cela est moins grave pour toi que tu sois lésé dans ta aqidah et dans ton manhaj, qu'un escroc vienne et te fasse subir une injustice dans ta aqidah, dans ton manhaj. Alors de là, tu te perdes et que tu deviennes opprimé, que tu deviennes égaré le reste de ta vie pour ce que t'aura fait subir cet escroc. Par Allah, que tu sois lésé dans ta dunya, à tel point que tu en deviendrais pauvre et délaissé, cela est moindre pour toi que tu ne sois atteint dans ton manhaj. Car là, tu deviendrais perdu dans ta da'wa, dans ta science et dans la sunna. Perdu. Et les injustes sont très nombreux. Et les plus nombreux sont ceux justement qui lèsent les gens dans leur aqidah et dans leur manhaj et qui les perdent et qui les éloignent de la droiture, de la recherche de la science et de la compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est un tanbih de Shir pour ce qu'il a vécu, son expérience et son vécu, comme nous l'avons dit, qu'il a connu que beaucoup de gens. Hein, on fait plus de dégâts par leur langue en se servant de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala que par leurs mains en détruisant les biens d'autrui. Ensuite, il poursuit en disant Qawluhu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytu. Donc il dit oh mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que j'aurai guidé. Fihi anna al-'abd yaftaqiru ila hidayati Allah subhanahu wa ta'ala fi sa'ir ahwalihi fi al-layli wa an-nahar. Donc il dit que cela démontre que le serviteur est en besoin de guider Allah subhanahu wa ta'ala en toute situation, de nuit comme de jour, dans son mutisme, dans ses mouvements, dans son immobilité, dans ses paroles et dans ses actes. Dans tout cela, il a besoin de guider. Wa qala ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas qui tu veux ou qui tu aimes, cependant Allah guide qui il veut. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaftatihu khutbahu bi hadhihi al-kalimat: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إلى آخره. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait ses khutab, ses sermons, par ses paroles, en disant: certes, la louange est à Allah, nous le louons, et nous recherchons de l'aide auprès de lui, et nous le demandons pardon. Et nous recherchons refuge auprès d'Allah du mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qui Allah guide, alors personne ne peut le garer. Et celui qui Allah égare, alors personne ne peut le guider, et ainsi de suite. Comme cela est connu, Khutbat al-Hajj. وَالْهِدَايَةُ أَمْرٌ يَجِبُ طَلَبُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Et que la demande de guider est une obligation. Nous devons demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide. Comme dans Al-Fatiha, lorsque nous disons dans le sens: c'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous cherchons de l'aide. Et guide-nous sur le chemin droit. Guide-nous sur le chemin droit. فَأَنْتَ تَسْأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ الْهِدَايَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِكَ وَأَنْتَ مَأْمُورٌ أَنْ تَتْلُبَهَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Donc il dit également: et toi, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te guide dans chaque raka de ta salat. Et cela t'est rendu obligatoire que tu le demandes. Et également de faire la Fatiha, de la réciter, comme dans le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: pas de salat pour celui qui n'aura pas récité al-Fatiha ou Fatiha al-Kitab. Naam. Wa qala ta'ala: wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa 'amila salihan thumma ihtada. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens: je suis certes un grand pardonneur pour celui qui se repent et qui aura œuvré et ensuite se sera mis sur la guidée. Et vous remarquez une chose, que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne cite pas la foi sans citer par la suite également les œuvres, les actes. Pour les gens qui voudraient faire sortir les actes de la foi, que celles-ci sont tout le temps liées à la guidée et à la foi. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والعناء. Et il dit selon ibn Mas'ud qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam: oh Allah, je te demande la guidée et la piété et la suffisance et la richesse. وفي حديث ابن عباس والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: واهدني ويسر لي هدايا إلي. Qu'il disait dans le sens: et guide-moi et facilite-moi ma guidée. C'est-à-dire les causes pour être guidé. فَقَدْ كَانَ يَتْلُوبُ الْهِدَايَةَ فِي أَكْسَلْ أَوْقَاتِهِ وَوَا الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la plupart de son temps, demandait justement la guidée. Alors qu'il est celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, a envoyé avec cette guidée et la religion de vérité. Naam. Ensuite dans la partie, قَوْلُهُ كلكم ضالون إلى من هديته. Là, un tambih, je vais prendre de la parole d'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit: قد ظن بعضه, dans la parole, c'est-à-dire, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Alors demandez-moi la guider, et je vous guiderai. Il dit: قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء وليس كذلك. Attendez, je me suis perdu là dans le livre. تمام. وليس كذلك فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره. طيب والاستعداد له بقوة ولكن لابد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا كما قال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن دي وجدك ضالا فهدى والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فالإنسان يولد مفتورا على قبول الحق فإن هداه فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة وإن خذله الله قيد له من يعلمه ما يغير فطرته كما قال كل مولد يولد على الفطرة. Donc là c'est un point important qu'il dit Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, il dit qu'il se peut que quelqu'un voit qu'il y a des contradictions entre ce hadith et le hadith de Ibn Hammar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toujours dans un hadith qudsi que Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai certes créé mes serviteurs hunafa, c'est-à-dire sur la religion pure d'Ibrahim. Et également qu'il ait dit sallallahu alayhi wa sallam que chaque nouveau-né est né sur la fitra. Cependant, comme cela est connu, ce sont ses parents qui le judaïsent ou qui le christianisent. Et là, dans le hadith, on voit quoi ? Vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Donc déjà, on pourrait voir une contradiction. Donc là, Ibn Rajab, il dit non, justement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Hunafa ou Mourud yuradu la fitra. Qu'en fait, que le serviteur a été créé prédisposé à accepter cela, c'est-à-dire qu'il est neutre et que sa nature sera de sorte à accepter l'islam pleinement et complètement. Vous voyez ? Et que par la suite, l'islam authentique, lui, doit être enseigné. Car bien entendu, celui qui naît, à qui on n'apprend pas, ne saura pas comment faire la salat. Il ne connaîtra pas Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Peut-être qu'il saura que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, qu'il se tournera vers lui, mais ne saura pas comment faire. Hein, il ne saura pas comment faire, comment s'y prendre. Donc de là, il aura besoin de quoi ? D'un ta'lim, d'une guidée. Comme le prouve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit, dans le sens, et Allah vous a sorti du ventre de vos mères, et vous, alors que vous ne connaissez rien du tout. Hein ? Ça prouve que quoi ? L'être humain naît ignorant. Et lorsqu'il dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens comme dans surat al-Duha, et il t'a trouvé égaré, donc t'as guidé. Mais là, le sens égaré, que cela veut dire ? Cela veut dire qu'en fait, qu'il est né, qu'il l'a trouvé, sans la science que Allah subhanahu wa ta'ala lui a inculqué par la suite. Et non pas égaré dans le sens perdu, par rapport au... autre que l'islam, autre que la fitra, mais dans le sens qu'il n'avait pas la science, car la révélation n'était pas encore parvenue. C'est là que ça veut dire, dans le sens d'Allan Fahada. Qu'il a trouvé sans science, sans révélation, alors il t'a guidé. Naam. Donc la personne, le serviteur né, de nature, dans sa nature première, prédisposé à accepter l'islam. Hein, à accepter l'islam. Son cœur est prêt à cela, il est sur le tawhid à la base. Mais attention, et cela, ce tambi que je viens de faire, est une forme de réfutation à une tendance que l'on entend par fréquemment ces derniers temps, lorsque les gens disent « je suis un reconverti ». Je suis un reconverti. Pourquoi ? Car ils se servent justement de ces hadiths-là pour dire qu'à la base, je suis né musulman. Hein? Après, je suis sorti de l'islam, après je suis revenu. Non. À la base, le mot reconverti, cette théorie, elle est fausse. Car même si tu es sur la fitra, cela ne veut pas dire que tu es sur l'islam pleinement, qui va de toi un musulman à part entière. Donc à la base, on dit que tu es un converti tout simplement. Le mot reconverti ne sert à rien du tout. Il n'apporte rien. Ça veut dire que pour eux, demain, un enfant qui naît, ceux qui voient cette thèse, un enfant qui naît, qui sort du ventre de sa mère et qui meurt automatiquement, on doit le laver. Et l'enterrer avec les musulmans ? Non. Non. Cet enfant-là sera suivi par... sera mis sur la religion de ses parents. Même s'il n'a pas encore été détérioré dans sa nature première, cet enfant ne sera pas attribué aux gens d'islam. On ne le lave pas et on ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans. Donc ces gens-là, lorsqu'ils disent reconvertis, ils ont tort. Cela n'existe pas. Les sahaba, lorsqu'ils ont embrassé l'islam, est-ce qu'ils ont dit « aslamna min jadid » ? Non, aslamna, fakat. Ils disaient, on s'est reconverti à l'islam. Ils n'ont pas dit, on s'est reconverti. Donc, ils n'ont pas de précédent dans cette formule, dans ces termes de dire reconverti. Ça n'existe pas reconverti. Tu es converti. Et celui qui apostasie, s'il revient à l'islam, on appelle quoi ça ? Un ta'ib. Il se repent. Hein ? Et non pas une reconversion. C'est un repentir. Donc, cette histoire de reconverti n'existe pas. Cela est faux. Tu es un converti. Hein ? Tu es un soumis. Ainsi de suite. Mais reconverti avec cette façon de voir, avec ces hadiths-là, cela est une mauvaise compréhension. Non, donc faire attention à ça. Donc on poursuit avec les paroles du Shir. Jazakallah ta'ala. قوله كلكم جائع إلى من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلى من كسوته فاستكسوني أكسكم. Donc il dit, vous êtes tous affamés sauf celui que je nourris. Alors demandez-moi de vous nourrir et je vous nourrirai. Vous êtes tous nus sauf celui que je vais. Alors demandez-moi de vous revêtir et je vous vêtirai. فيه الاعتماد على الله تعالى في طلب الرزق والسعي في ذلك وبأسبابه الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام إنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. Donc il dit que cela démontre qu'il faut se reposer et faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala dans la demande de subsistance et de s'y forcer en suivant les causes légiférées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes aucune âme ne mourra sans qu'elle ait pris tout le risque qui lui a été prédestiné. Alors craignez Allah, hein, et vous prenez, faites les causes. Mais tu ne quitteras pas ce monde sans avoir pris tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester à dormir, à ne rien faire et attendre que cela vienne tout seul. Il y a des causes à faire, des causes légiférées, et qu'il faut, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à prendre ces causes. وقال سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Et dans le sens il dit et c'est Allah que vous devez remettre votre confiance si vous êtes croyant. وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Et celui qui craint Allah, il lui donne une issue et il lui octroie sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. فأنت جائع إلى أن يطعمك الله وأنت فقير إلى الله في سائر أحوالك. Et toi, tu es affamé, si ce n'était le fait que Allah te nourrisse. Et que tu es pauvre devant Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes tes situations. Tu es en besoin de lui. Quand le ta'ala, « Ya ayyuhan nas antum al-fuqara'u illa Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. In yashay yudhibkum wa yati bi khalqin jadid, wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. » Donc il dit, « Oh, vous les hommes, vous êtes certes les pauvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, lui, est le riche et le loué. Et s'il veut, il vous fait tous partir et vient avec une nouvelle création. Et que cela ne lui est pas difficile. فَالَّذِينَ يَفْتَخِلُونَ بِأَمْوَالِهِمَ الْفُقَرَاءِ مَا هُمْ مُوَفَّقُونَ فَهَذَا أَغْنَهُ اللَّهُ وَهَذَا أَفْقَرَهُ اللَّهُ وَهَذَا عَفَاهُ اللَّهُ وَهَذَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ. Donc il dit, ceux qui deviennent, comment dirais, qui se vantent de leurs biens sur les pauvres, qui font preuve, qui deviennent hautains face aux pauvres par rapport aux biens qu'ils ont reçus, eux, c'est un manque de succès accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. Car la richesse ne provient que de Allah subhanahu wa ta'ala. Et la pauvreté également. C'est Allah qui rend riche, c'est Allah qui appauvrit. Et que c'est Allah qui prémunise et que c'est Allah qui éprouve. Tout cela provient de lui. Naam. Donc celui qui se voit riche, hein, et recevoir plein des biens en abondance, cela comme étant venant de lui. Mais cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Car le lendemain, Allah peut tout te reprendre. Tout ce qu'il t'a donné, le lendemain peut te reprendre en un instant. Et combien on a vu des gens riches, justement, des richesses immenses, et du jour au lendemain, la personne a tout perdu. Hein? Un déficit total, banqueroute, comme ils disent, voire même que ces gens-là sont amenés à se suicider. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Donc, que la personne reste humble et qu'elle se rappelle que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne et qui reprend. Non. Et également dans sa parole, Kulukum arin ileman kasautu. Que vous êtes tous nus sauf celui que je vais. Il dit, Yahluk al-insana ariyan, fayaksih Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yazalu yaddu wa yamuddu, wa lahu al-fadlu wal minna. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, a créé l'homme nu. On sait tous que on sort en étant, lorsque l'on est, on est nu. Ensuite, c'est Allah qui nous revêt, qui nous donne des vêtements. Et cela rend dans le risque. Et qui nous fait évoluer physiquement. Hein, que le corps se développe physiquement. Et tout cela par sa grâce à lui seul. Qu'oluhu, innakum turti'una bilayli wa nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Donc il dit, et que certes, vous fautez de jour comme de nuit, et moi je pardonne tous les péchés. Alors demandez-moi pardon, et je vous pardonnerai. هذا الحديث أصح من وأحسن من حديث كل ابن آدم خطاء وخل خطئين توابون فذاك من طريق علي بن مسعد. ومسعدة. وابن مسعدة قال الإمام البخاري في نظر، فالحديث ضعيف، وهذا الحديث يغني عنه. Donc il dit que ce hadith, lui, est plus authentique et meilleur que celui qui est venu, où il dit que tous les fils d'Adam commettent des fautes, et que les meilleurs fauteurs sont ceux qui se repentent. Et que ce hadith contient un homme dont l'imam Bukhari a dit qu'il était faible. Donc ce hadith est faible et que celui-ci fait qu'on se passe de lui. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أو لو لم تذهبوا لذهب الله بكم ولا جاء بكم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. Donc il dit dans le sens, le prophète صلى الله عليه وسلم, si jamais vous ne commettiez pas de péché, alors Allah vous ferait partir pour venir avec un autre peuple qui eux feraient des péchés et lui demanderaient pardon afin qu'il leur pardonne. Et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala s'obtient par multiples causes, par maintes causes, comme les bonnes actions. Inal hasanat yuzibna sayyat, que les bonnes actions font partir les mauvaises. Et plein d'autres, comme le siyam, comme la salah, comme l'odo, comme le jihad, comme la hijra, comme le hajj, ainsi de suite. Et le plus grand moyen de faire pardonner ses péchés, c'est le tawhid. Le plus grand, c'est le tawhid, le principal. C'est le tawhid. Car celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration rentrera au paradis. Quand bien même il passerait par le châtiment d'Allah, il finirait par en sortir et rentrer au paradis. Non. Ensuite il poursuit en disant le shir. Qawluhu ya ibadi. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا ولا أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا ولا أفجر قلب رجل منكم أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. Donc il dit, oh mes serviteurs, si vos premières générations, vos dernières, ainsi que vos hommes et vos djinns étaient sur le sol, avaient le sol, yani étaient sur un seul cœur, le cœur de l'homme le plus pur entre vous, cela ne rajoutera rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si vos premières générations, vos hommes et vos djinns, étaient tous sur un seul cœur, du cœur de l'homme le plus pervers entre vous, cela ne réduirait en rien de ce qui est auprès de moi. Il dit Naam, Yaqulullahu ta'ala, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Également, ouais, j'ai oublié de citer que cette partie-là, le chien là, apparemment n'apparaît pas dans le char, mais cela concerne également la partie que vous ne pourrez me nuire ni m'être utile. Dans le hadith, Qudsi, dans cette partie-là également. C'est-à-dire tout ce paragraphe-là va ensemble. L'explication concerne tout ce paragraphe-là. Mais apparemment, là, dans le livre, ça n'apparaît pas. Donc il dit Yaqulullahu ta'ala, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Et ils n'ont pas été injustes envers nous, cependant ils l'ont été envers eux-mêmes. فَالْعِبَادُ فُقَرَاءُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ فُقَرَاءُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Et que les gens sont eux les pauvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit dans le sens, ô vous les hommes, vous êtes certes les pauvres auprès d'Allah et Allah il est le riche et le loué. وَقَالَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدْرُونَهُ شَيْئًا. Et dit, et si jamais vous vous détournez, alors je vous ai certes déjà retransmis ce pourquoi j'ai été envoyé auprès de vous, et que mon Seigneur fera venir un peuple après vous, et que vous ne lui nuirez en rien. Vous ne le serez nuisible en rien du tout. وَقَالَ فَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Et si jamais vous vous détournez, et vous changera par un autre peuple, qui seront différents de vous. وَقَالَ وَاللَّهِ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. Et Allah est le riche et c'est vous les pauvres. هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعِبَادَ لِحِكْمَةٍ لَا لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِطَاعَتِهِمْ وَلَا يُضَرَّ بِمَعْصِيَتِهِمْ خَلَقَهُمْ سُبْحَانَهُ لِلِابْتِلَاءِ وَالِاخْتِبَارِ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَأَيُّهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ. قَالَ تَعَالَى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وقال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Donc il dit que cela, tout cela prouve que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les serviteurs pour une sagesse et que leur obéissance, leur adoration ne lui apporte aucun bénéfice. Aucun bénéfice, aucun profit. Et que son, leur désobéissance, hein, cela ne lui cause aucune nuisance. Cela ne le nuit en rien du tout. Mais qu'il les a créés pour les éprouver, pour les tester, pour voir qui œuvre de meilleure façon et qui n'en est pas de la sorte. Il dit dans le sens que nous allons vous éprouver afin de voir qui endure parmi vous et qui se... afin de voir qui sont ceux qui luttent parmi vous et qui sont les endurants. Et il dit dans le sens également, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent que nous le laisserons dire, nous croyons, sans qu'ils ne soient éprouvés? Nous avons certes éprouvé cela avant vous, qu'Allah sache, et alors qu'il sait déjà, mais qu'Allah sache ceux qui ont été véridiques de ceux qui ont menti. Et il dit dans le sens également, pensez-vous que vous allez rentrer au paradis sans que Allah n'ait su ceux qui ont lutté parmi vous et qui connaissent les endurants? Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala le sait déjà, mais c'est pour nous le montrer les uns envers les autres. Allahu khalaqa al-ibad li'ibadati. Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé les serviteurs en vue de se faire adorer. Comme il dit dans le sens, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je veux nullement d'eux de subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Wa hashallahu an yakun min dhalika. Et Allah est au-dessus de tout cela. Wa ma yasul minhum min khairin aidun ilayhim. Wa ma yasul minhum min sharrin aidun alayhim. Et que tout ce qu'ils font comme bien, cela leur profitera à eux-mêmes. Et tout ce qui se passe comme mal, cela se retournera contre eux. قوله إنما يعملكم وصيهم لك وصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا من طيب فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن لنفسه donc de la partie du hadith à la fin où il dit ô mes serviteurs, ce ne sont que vos actes, je les enregistre pour vous et je vous en rétribuerai en conséquence. Celui donc qui trouve le bienfait doit louer Allah, et celui qui trouvera autre chose ne doit se blâmer que lui-même, hein, que sa propre personne. Donc il dit dans, par rapport à ce paragraphe, هَذَا رَدُّونَ لَقَدَرِيَةِ الْجِبْرِيَّةِ وَلَا نُفَهَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ الْخَيْرِ وَلَمْ يُقَدِّرَ الشَّرِ كُلُّكُمْ دُلَالٍ فَكُلُّهُمْ دُلَالٍ الَّذِينَ يَقُولُونَ الْإِنسَانُ مَحْبُورٌ مَجْبُورٌ عَلَى الْخَيْرِ أَوْ الشَّرِ. Donc il dit cela est une réfutation, hein, des Jibriya, des Qadariya Jibriya, ceux qui disent que Allah n'a prédestiné que le bien et pas le mal. Également ceux qui disent que le serviteur est forcé, hein, qu'il n'a pas le choix, que tout ce qui lui arrive, hein, ne vient pas de lui. Donc cela est une réplique envers leurs paroles. Et que ces gens-là sont tous des égarés. Ils disent que la personne est contrainte dans le bien ou dans le mal. Fal hadith fihi. Donc le hadith stipule bien que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne blâme, qu'il ne se le blâme que lui-même. Hein? Qu'il ne se blâme que lui-même. Wallah yakulu inna hadaynahum musabil. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Et que Allah, dans le sens, il dit, nous l'avons certes guidé sur le sentier, donc il est soit reconnaissant ou soit ingrat. Wa yakulu wa hadaynahu najdain. Et nous l'avons guidé sur les deux voies. C'est-à-dire celle du bien et celle du mal. C'est-à-dire qu'il a le choix. Le serviteur a le choix. وَيَقُولُوا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Il dit dans le sens, et dit la vérité de votre Seigneur, et que celui qui veut qu'il croit, et que celui qui veut qu'il m'écroit. Donc là, nous l'avons déjà cité que le serviteur a le libre arbitre. Il a le choix. Il n'est point forcé. Bien que sa volonté suit celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالله قد أبان لعباده الطرق الخير وطرق الشر والذي يحسن لنفسه والذي يسيء فعليها قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فلم يجبر العبد على المعصية ولم يظلم في الطاعة. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a certes déjà clarifié ou a certes déjà démontré aux serviteurs les voies du bien et les voies du mal. Et que celui qui fait du bien ne le fait que pour lui-même. Et celui qui fait du mal, cela n'est que contre lui. Cela n'est que contre lui. Dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous faites du bien, vous le faites pour vous-même. Et si vous faites du mal, vous le faites contre vous-même. Donc il n'est pas contraint de désobéir et qu'il ne sera point lésé dans l'obéissance. Hein, il ne sera point lésé dans l'obéissance. وَقُولُهُ أَعْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ وَفِكُمْ يَهَا يُعْصِيهَا بِمَا لَا يُغَادِرُ صَغِيرَ وَلَا كَبِيرَ قَالَ تَعَالَى وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَلَيْتَنَا مَا لِي هَذَا الْكِتَابَ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Donc il dit que toutes ses actions, aucune ne sera délaissée, ni petite ni grande. Et dans le sens là, il dit que le livre sera posé, alors tu verras les criminels perplexes de ce qu'il contient. Et ils diront, ô pauvres de nous, quel est donc ce livre qui ne délaisse ni petite ni grande, sans qu'il ne les cite, c'est-à-dire les actions. Bonnes ou mauvaises, le livre ne sera rien du tout. Hadith, qui est un hadith énorme, qui est un hadith que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit que ce hadith est le hadith le plus noble rapporté par les gens du Sham, tout ce qui est vers la Syrie, ainsi de suite. Et ce hadith, à lui tout seul, mérite un livre entier pour toutes les faouïdes et les biens et les sagesses qu'il contient. Mais Inch'Allah, comme nous avons dit, ce cours est un résumé. Donc, nous allons nous contenter de cela. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fabiyad al-qadr naktafi wa nakul alhamdulillah rabbil alamin.